Débat sur la vaccination obligatoire. L'émission de l'ORF passée au crible. Le 4 août 2021, la chaîne autrichienne ORF a abordé le sujet de la vaccination obligatoire dans son émission Studio 2. Le présentateur de l'ORF a souligné que l'obligation de vaccination avec l'ARN messager ne donne lieu qu'à des débats passionnés. Mais il a ensuite laissé entendre qu'on pouvait reconsidérer les faits en posant la question suivante. Quels sont les arguments en faveur de la vaccination obligatoire? Quels sont les arguments contre? En tant que téléspectateur, on pouvait donc attendre avec impatience l'équilibre annoncé dans l'émission. La seule invitée était le docteur Ursula Köhler, membre de la commission de bioéthique, qui a exprimé son opinion personnelle dans la dernière phrase de cette interview. Je suis fondamentalement en faveur de la vaccination obligatoire. Cela n'est pas condamnable en soi, mais ce n'est qu'un aspect d'un débat équilibré. Résumons donc les arguments du docteur Köhler en faveur de la vaccination obligatoire. Premièrement, le vaccin est désormais disponible librement et de manière illimitée. Deuxièmement, jusqu'à présent, nous avons réussi à vacciner 60% de la population. Troisièmement, malheureusement, le temps presse déjà, car il faut maintenant procéder à des vaccinations de rappel. Quatrièmement, laisser le libre choix total ne permet pas de résoudre un problème aussi émotionnel. Cinquièmement, les professionnels de la santé ont l'obligation éthique de ne pas mettre les autres en danger. Ce qui est frappant dans la liste des arguments apparemment favorables, c'est qu'il n'y a aucune raison valable qui pourrait persuader les téléspectateurs de se faire vacciner. Ursula Köhler n'a donné qu'un seul argument contre la vaccination obligatoire. Des arguments provenant d'autres pays soulignent que l'obligation vaccinale ne fait pas toujours augmenter la disposition à se faire vacciner. 5 arguments contre 1, ce n'est pas vraiment un équilibre. Le commentaire du présentateur selon lequel certaines personnes ne se font pas vacciner parce qu'elles n'en ont pas envie semble quelque peu tiré par les cheveux. Alors que les personnes qui s'expriment contre la vaccination obligatoire avec l'injection à ARN messager ont des raisons fondées. Mais ces raisons n'ont même pas été mentionnées dans l'émission de l'ORF. Pour un reportage vraiment équilibré, la chaîne aurait également dû les inclure. En revanche, la déclaration du Dr Köhler, selon laquelle les 60% d'Autrichiens vaccinés seraient les otages des 40% qui ne le sont pas, n'a pas été commentée par le présentateur. Cette remarque accentue un nouveau clivage dans la population qui n'est apparemment composé que de personnes vaccinées et non vaccinées. Mais ne sont-elles pas toutes à 100% des êtres humains? Toutes veulent seulement vivre leur vie sans être constamment harcelées par les discussions et les justifications qui conduisent à une division même au sein des familles. Afin de contribuer à équilibrer le rapport de l'ORF, CLA-TV présente également les arguments au niveau factuel qui s'opposent à la vaccination obligatoire. Deuxièmement, comment les droits et libertés fondamentaux existants de la population sont-ils respectés? Troisièmement, l'administration de l'ARN messager n'est pas une vaccination au sens classique du terme, mais une intervention génétique. Quatrièmement, tous les vaccins COVID-19 approuvés dans l'UE n'ont reçu qu'une approbation conditionnelle. Pour une approbation finale et l'évaluation de la sécurité à plus long terme, la soumission à des études supplémentaires est nécessaire. Il s'agit donc, à proprement parler, d'une expérience humaine mondiale. Cinquièmement, lors de précédentes expériences animales sur des singes et des souris, le taux de mortalité était de 100% dans les 2 mois. Sixièmement, pourquoi les grandes études BioNTech, Pfizer et Moderna ont-elles été arrêtées? Septièmement, depuis 1947, le code de Nuremberg stipule que le consentement volontaire des cobayes testés est absolument nécessaire pour les expériences médicales sur les humains. Huitièmement, il n'existe pas d'informations fiables sur la composition des vaccins, du moins pour les profanes. Comment peut-on être sûr que des personnes privilégiées n'ont pas simplement été vaccinées de manière factice ou avec un placebo? Neuvièmement, d'innombrables scientifiques et experts mettent en garde avec des faits fondés et des arguments plausibles. De plus, ils ne sont payés par personne pour leurs déclarations. Au contraire, ils s'attirent des ennuis par leur apparition en public. Dixièmement, personne n'est responsable d'éventuels dommages pour la santé et des conséquences à long terme. Les victimes de la vaccination sont responsables d'elles-mêmes ou de leurs enfants. Onzièmement, de nombreux canaux sur les plateformes sociales soulignent qu'actuellement les dommages causés par les vaccinations sont plus importants que le bénéfice de la protection contre la maladie du Covid. Il y a d'innombrables témoignages sur ce sujet chaque jour. Seule une fraction d'entre eux se retrouve dans les statistiques officielles. Douzièmement, ce seul fait constitue un argument pour laisser la décision concernant l'injection d'ARN messager à chaque individu et de punir par la loi la coercition pour le faire. Chers téléspectateurs, c'est uniquement parce que l'ORF et d'autres médias du mainstream ignorent ces faits ou les présentent comme une fake news que la douleur des familles reste cachée au grand public. C'est cette douleur qui prévaut chez les personnes touchées par le dommage de la santé ou le décès de membres de leur famille. Le score est ici de 5 à 12 en termes d'équilibre. Mes chers téléspectateurs, décidez vous-même quels sont les points qui pourraient être supprimés ici pour établir l'équilibre. Sans connaître ces faits contradictoires, de nombreuses personnes se laissent vacciner en toute bonne foi. Elles pensent que tout est pour notre bien et espèrent retrouver leur ancienne vie. Mais le nombre de ceux qui se sentent aujourd'hui trompés augmente, car ils découvrent déjà une réalité différente de celle à laquelle ils s'attendaient. Écoutons enfin l'auteur et ancien politicien du BZE, Gerald Gross, qui lui-même vacciné, estime aujourd'hui avoir fait une erreur. Mais c'est la faute des non-vaccinés. C'est déjà en cours de préparation. Vous en êtes un bon représentant. C'est de la liberté dont vous parlez, mais elle n'a rien à voir avec ma liberté. Le vacciné ne doit pas craindre le non-vacciné. Je vais vous dire quelque chose de personnel. J'ai pris de l'avance, je me suis fait vacciner. Mais vous savez quoi? Apparemment, c'était une erreur. Car on m'avait expliqué que le vaccin protège, que je ne contaminerai personne. Mais on réalise de plus en plus que la personne vaccinée infecte les autres. Monsieur Kurz, Madame Merkel le disait, et même vous, en tant que haut représentant des vaccinateurs en Autriche, vaccinateur contre la tique, contre le Covid, si je me fais vacciner, je n'ai pas d'évolution grave. Et on découvre que de plus en plus de personnes vaccinées ont une évolution sévère. Vous, comme eux, m'avez dit en nous berçant d'un sentiment de sécurité que si je suis vacciné, je n'irai pas à l'hôpital. Et on constate que de plus en plus de personnes vaccinées sont hospitalisées. Quand je regarde les chiffres d'Israël aujourd'hui, 61% des personnes infectées sont doublement vaccinées. On m'a dit que si je recevais deux doses, je serais complètement immunisé. Et maintenant, je réalise que je peux tomber malade, que je peux tomber gravement malade, que je peux transmettre le virus, que je peux être intubé et que je peux mourir. Je suis donc évidemment arrivé à la conclusion que si j'avais pris des fleurs de Bach ou des granules homéopathiques, je serais mieux protégé qu'avec votre soi-disant game changer. J'en viens maintenant à ce que j'ai dit il y a 18 mois et qui ne s'est pas encore concrétisé. Renforçons le système de santé. Préparons-nous à de telles pandémies, ça ne sera pas la dernière. Recherchons des médicaments avec le même argent que nous jetons dans les poches de Pfizer et compagnie qui font grimper les prix en ce moment. Pour un vaccin qui ne promet manifestement pas ce que M. Kurz, Mme Merkel, vous et tous les autres avez dit. Israël nous le montre maintenant. une population presque entièrement vaccinée au milieu de la quatrième vague. Et vous restez là à dire « oui, les non-vaccinés sont à blâmer ». Vous savez, vous pouvez chercher les non-vaccinés en Israël avec une loupe et ils sont au milieu de la prétendue quatrième vague. En d'autres termes, leur vaccination ne change pas la donne, mais elle est la source de la plus grande fake news qui ait été offerte à l'homme du XXIe siècle. C'est pourquoi je dis une fois de plus qu'il faut optimiser le système de santé et laisser les gens à leur propre responsabilité. La vie n'est pas sans risque et les gens déterminent eux-mêmes s'ils veulent prendre ou non des risques. Mais ne continuez pas à promettre aux gens la lune et à leur mentir davantage selon le slogan « Nous ne voulons pas de confinement, mais le confinement est déclenché. Nous ne voulons pas de masques obligatoires, mais les masques deviennent obligatoires. Nous ne voulons pas de vaccination obligatoire, puis arrive la vaccination obligatoire. Nous ne voulons pas d'une quatrième vague, puis le quatrième confinement est là. » Ce mensonge, ce faux constant de mensonge, a conduit au fait que près de la moitié des Autrichiens n'adhèrent plus. Et c'est vous qui êtes coupable de cela, pas ceux qui ont évalué de manière critique ces mesures.